David et Salomon, par Louis Hainaut. Aperçu de loin, derrière ses murailles féodales, les tours au flanc, les créneaux au front, couronnés de ses mosquées et de ses minarets, avec le panache ondoyant des palmiers, Jérusalem fait encore illusion. On se laisse prendre à cette belle et noble apparence. La vieille reine farde sa pâleur et dissimule ses rides. Quand on approche, on ne voit que trop les ravages du temps et des hommes, la main placable et les mains violentes. Les rues obscures, tortueuses, effondrées, interrompues, se traînent entre les décombres ou des masures hideuses. De temps en temps, un pan de muraille où l'on reconnaît l'architecture romaine, où l'on devine l'art hébraïque, redouble par le contraste d'une idée de force, de grandeur et de beauté, ce qu'il y a de poignant et d'amer dans l'abaissement et la dégradation qui nous entourent. Et l'on se demande alors, qu'est donc devenue cette splendeur ou cet éclat dont Dieu avait orné la ville de son choix ? Quelle suite inouïe de revers et de prospérité dans laquelle Dieu fut toujours trouvé fidèle à ses promesses et à ses menaces ? Où donc est le temps où le prophète s'écriait « Je me suis réjoui lorsqu'on m'a dit « Nous irons dans la maison du Seigneur ». Déjà mes pieds se sont arrêtés dans tes parvis, ô Jérusalem. » La Jérusalem de l'histoire commence avec David. C'est lui qui donna son importance à la ville, et ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui encore on l'appelle la cité de David. La Jérusalem de David et du Christ est-elle la Salem antique où régnait Melchisédek, prince et prêtre, qui vint saluer et bénir Abraham au retour de son expédition contre les rois de la Pentapole? C'est un problème que la critique n'a point encore résolu. On a cru plus qu'on a prouvé. Les traditions ont placé l'Éden dans la Palestine, le sépulcre d'Adam sur le calvaire, la résurrection de la chair et le jugement dernier dans la vallée de Josaphat. Jérusalem est donc le théâtre de toutes les grandes scènes du drame religieux, et Jacques de Vitry n'avait pas tort quand il disait, au livre 3 de ses histoires, qu'elle était le vrai centre du monde. Quand Josué, sous les ordres de Dieu, envahit la Palestine, Jérusalem s'appelait Jébus. Son roi, Adoni-Bézek, fut vaincu à la journée de Gabaon avec ses alliés. Les enfants de Juda mirent le siège devant Jérusalem et s'emparèrent de la partie basse de la ville. La citadelle, assise sur le mont Sion, resta aux Jébuséens. David, roi, s'en rendit maître, agrandit la ville et recula ses murailles, qui alors entourèrent les trois collines d'Acra, de Sion et de Moria. C'est sur le mont Sion que David bâtit son palais éclatant. Où trouver un horizon plus poétique et plus grandiose? Ici le torrent de Cédron, plus d'une fois traversé par la suite du roi, des Torrente in via Ebibit. Là, les flots murmurants et inspirateurs de Siloé, maintenant tari. Plus loin, la vallée de Josaphat, et à travers le flanc déchiré des montagnes, le cours du Jourdain, ombragé de sycomores, et les plaines de sable où dorment les flots de la mer morte. Sous la main de David, Jérusalem devint belle entre toutes les villes. Il acheva l'œuvre de la conquête, assit la nation dans la paix d'une possession incontestée, et ramena dans la ville l'Arche Sainte, exilée depuis 150 ans, dans une obscure bourgade de la tribu de Juda. Plus grand peut-être par son successeur que par lui-même, David prépara le règne brillant de Salomon. Il fut pour son fils ce que fut chez nous, Pépin pour Charlemagne, ce magnifique Salomon de l'Occident. Depuis la sortie d'Égypte, les Juifs avaient toujours la pensée et le désir d'élever un temple à Jéhovah, qui n'avait eu jusque-là que des tentes flottantes et des tabernacles errants. David rassembla tous les trésors de l'Orient. Il amassa l'or et l'argent, le fer et l'airain, les bois précieux et les marbres rares. Il entassa auprès du mont Sion les dépouilles opimes de l'Idumée, de la Phénicie, de la Syrie, de Moab et d'Amon. Mais parce qu'il avait versé trop de sang, Dieu ne lui permit pas d'élever son temple. Le sacrifice que Dieu aime, c'est avant tout le sacrifice de main pure. Salomon recueillit dans la paix tous les fruits de la conquête. Diplomate plus que guerrier, où son père avait combattu, il négocia. Ses vaisseaux visitèrent l'Égypte, nourrissent du vieux monde, les côtes de l'Asie mineure et les îles de l'archipel grec. Ses longues caravanes couraient des bords de l'Euphrate au rivage de la mer Rouge. Il tendait une main à l'Arabie et l'autre aux Indes. Il bâtissait Palmyre comme un vaste entrepôt de Babylone à Jérusalem et amenait dans les comptoirs d'Azur-Gaber les trésors du monde oriental. Hiram, fidèle ami de David, ne se contenta pas de lui envoyer les cèdres incorruptibles du Liban. Il y joignit les ouvriers sidoniens les plus habiles à tailler le bois, à ciseler la pierre, à polir le métal. Les chiffres seuls ont assez d'éloquence pour donner une juste idée de cette incroyable activité. Je ne parle pas des ouvriers juifs, mais 70 000 étrangers portaient les fardeaux, 80 000 façonnaient les matières brutes d'après le plan de l'architecte, et leur travail fut tellement précis que dans la construction du temple, on n'entendit pas un coup de marteau ou le grincement d'une scie. Le temple fut commencé la 4e année du règne de Salomon. Il devait former comme une ville sur le mont Moria. Le marbre et le porphyre ne furent pas trop précieux pour ses fondements. On environna le temple d'une triple enceinte. La première était réservée aux gentils ou étrangers, la seconde aux Israélites, au peuple, la troisième aux Lévites et aux prêtres. Le temple lui-même s'élevait au milieu de la dernière enceinte et renfermait l'arche d'alliance. Ses lambris de cèdre étaient recouverts de lames d'or. On avait sculpté et moulé des figures sur toutes les murailles. Les mosaïques étincelaient sur les pavés éblouissants. Le temple fut achevé en 7 années, et Salomon résolut d'en faire la dédicace avec une magnificence qui étonna le monde. Ce fut une fête nationale. Israël accourut. Les anciens du peuple, les chefs des tribus, les princes des familles se pressaient autour de l'arche, qui fut transportée de la citadelle de Sion dans le sanctuaire du temple. Le roi ouvrait la marche, suivi de sa cour. Les Lévites, divisés en chœurs alternants, chantaient les cantiques de David. D'autres pinçaient d'un doigt diligent les cordes du kinnor et du nébel, ou remplissaient d'un souffle vaillant le chauffard, l'ougab et le neïla. D'autres enfin faisaient retentir le tof et le selselim éclatant. Salomon, réunissant pour un jour les attributs du roi et du prêtre, comme Melchisédek, adressa à Dieu une de ses prières où la grandeur du style semble s'égaler à la majesté de celui qu'on veut louer. Soudain, le tabernacle se remplit d'une nuée lumineuse. Une flamme ardente descendit du ciel, dévora la victime, illumina le temple, et le peuple, qui crut voir comme une ombre de Dieu, tomba le visage contre terre. Depuis ce jour, ce fut un usage consacré par la liturgie hébraïque de ne prononcer qu'une fois l'an, dans le sanctuaire le plus intime, le nom de Jéhovah. Et à l'instant même où il sortait de la bouche du grand prêtre, le bruit des instruments et des voix, déchaîné comme une tempête, empêchait que ces syllabes redoutées n'arrivassent jusqu'aux oreilles du peuple. Après avoir élevé le temple de Dieu, Salomon voulut se bâtir un palais. Nous n'en dirons point ici les splendeurs. Elles brillent encore dans les souvenirs de l'Orient. Ni le temps, ni le malheur n'a pu les éteindre. Les Hébreux jurent encore par le trône de Salomon, ce trône d'ivoire, enrichi d'or, que deux lions soutenaient de leurs vastes reins. Jérusalem atteignit en quelques années l'apogée de sa gloire et de sa prospérité. On adorait le bruit de son nom et le monde craignait ses armes. Elle avait assuré la paix par la guerre, et maintenant le commerce, comme un fleuve, y roulait ses flots d'or. La reine de Saba ne fut que l'interprète de l'univers quand elle dit à Salomon « Ce qu'on avait publié dans mon royaume touchant vos discours et votre sagesse est bien vrai. J'ai vu de mes yeux, et j'ai constaté qu'on ne m'avait dit qu'une moitié de la vérité. Votre sagesse et vos actes dépassent la renommée. Heureux ceux qui sont à vous, heureux vos serviteurs, qui jouissent de votre présence et entendent vos paroles. Gloire au Seigneur votre Dieu, qui a mis en vous son affection et vous a fait asseoir sur le trône d'Israël. » Il n'y a point de solstice dans la prospérité des nations. Leur soleil ne reste jamais immobile au zénith du ciel. Il monte ou il descend. Le déclin commença du vivant même de Salomon, et aujourd'hui, de toutes les œuvres de ses mains, il ne reste plus qu'une citerne vide. Le schisme des 10 tribus fut le premier coup porté à la puissance de Jérusalem. Ce ne fut plus la capitale d'un grand peuple, ce fut la ville d'une tribu. Bientôt Sézac, roi d'Égypte, la prit et la pilla. Il enleva les trésors du temple et du palais, et ses lances d'or et ses boucliers suspendus aux lambris de cèdre de Salomon. La jeunesse de Joas répara les malheurs du temple. Les Israélites, par des offrandes volontaires, secondèrent la pitié du roi. Mais le sang d'Akab ne put longtemps se démentir. Les tabernacles du vrai Dieu furent abandonnés, et la foule, se tournant vers les hauts lieux, adora les idoles muettes. « Que le Seigneur me voie et qu'il me venge !» s'écria en tombant le fils de Joïada. Et le Seigneur le vit et le vengea. Les Syriens envahirent la Judée et mirent le siège devant Jérusalem. Le roi, pour acheter la retraite de ses ennemis, dépouilla de nouveau le temple et les palais de Jérusalem. Un an plus tard, le roi d'Israël entra dans Jérusalem prise d'assaut par une brèche de 400 coudées. Quelques années prospères du roi Ozias ne pouvaient effacer tant de malheurs. la trêve passagère était toujours suivie d'une guerre plus cruelle et d'un ravage plus complet. On n'écoutait cependant ni la menace des prophètes ni leurs prières. La cithare et l'harpe, la flûte et les tambours, avec le vin et l'allégresse, étaient au festin de Judas pendant que l'ennemi marchait contre lui. Appelé comme défenseur et comme ami, le roi d'Assyrie reste en vainqueur et s'impose en maître. La ville est ensanglantée par les cruautés de Manassès, le temple souillé de ses idolâtries. Les Assyriens, vengeurs de Dieu, reviennent alors et l'emmènent avec son peuple en captivité. Les Juifs vont suspendre leur harpe détendue au saule de l'Euphrate et les prophètes racontent à l'avance la série de leurs malheurs avec des gémissements plus douloureux que ces malheurs mêmes. Après les 70 ans de captivité, Zorobabel rebâtit un second temple sur les ruines du premier. Ce temple, qui n'était qu'une ombre de l'autre, ne fut achevé qu'au bout de 20 ans. La ville en mit 80 à sortir de ses ruines. Il y a des ruines que l'on relève plus difficilement encore. Ce sont les ruines de l'âme, de la moralité détruite et de la probité perdue. La captivité corrompit les Juifs. Ils prirent des dieux étrangers et des femmes étrangères. Ils perdirent jusqu'à leur langue. L'hébreu, chez les Hébreux même, ne fut plus qu'une langue savante. Daniel prophétise en syriaque pour être compris des siens. Les lettres du Pentateuque sont inconnues des enfants qui n'épellent plus que l'alphabet chaldéen. Il y eut encore cependant comme une paix de Dieu. La prospérité sembla renaître, et chacun, comme aux anciens jours, put se reposer sous sa vigne et sous son figuier. Dieu ne pouvait se détacher tout d'un coup du peuple qu'il avait tant aimé. Jérusalem fléchit Alexandre. Le génie grec connut toujours la clémence. Le conquérant devant qui déjà la terre se taisait faisait alors le siège de Tyr, antique allié de Jérusalem. Il envoya demander la soumission des Juifs et des subsides. Le grand prêtre Jadus allégua la fidélité due aux Perses et le souvenir des bienfaits des Grecs. Pour Alexandre, ce n'était pas là une raison suffisante. Il prend Tyr, entre en Palestine, renverse tout sur son passage et se présente devant la ville. Cependant voilà que le grand prêtre, vêtu de blanc, couronné de fleurs, entouré de ses prêtres et suivi du peuple, fait ouvrir les portes et s'avance vers l'armée victorieuse. Dès qu'Alexandre aperçut le pontife, la tiare sur la tête et portant au front la lame d'or où rayonnait le nom de Jéhovah, il quitta ses rangs et vint se prosterner devant Jadus. « Ce n'est pas, dit-il, un homme que j'adore ainsi, c'est Dieu même. » Il fut ensuite introduit dans la ville, visita le temple et offrit des sacrifices au Très-Haut, en se conformant au rite judaïque. Il partit après avoir accordé aux Juifs force immunité et privilèges. Mais pour une nation, les privilèges qu'elle reçoit ne valent pas la liberté qu'elle se donne. Alexandre mort, les Juifs passèrent d'un maître à l'autre. Ce n'était déjà plus un peuple dans la grande et noble acception du mot. Le lion de Juda eut du moins la gloire d'un réveil héroïque dans son trépas même, et les Maccabées lui préparèrent de splendides funérailles. Les Romains n'eurent pas la peine de vaincre. Avec eux, ce fut la fin de tout. Ils imposèrent aux Juifs un roi étranger, Hérode l'Iduméen. Hérode fut un tyran magnifique. Il remplit la ville de palais et de jardins, releva ses murailles, les fortifia de tours imprenables et bâtit un temple, supérieur en étendue, égal en magnificence au temple de Salomon lui-même. Le Christ naquit au milieu de ses malheurs, pleura sur Jérusalem, l'arrosa de ses larmes, de sa sueur et de son sang, et lui laissa l'ineffaçable malédiction de sa mort. La révolte des Juifs contre les Romains fut le signal de leur perte. On sait les horreurs du siège de Titus et cet assaut, le plus terrible que l'histoire ait enregistré dans les annales sanglantes de la guerre. Le feu, le fer, la famine et la peste se conjuraient pour la ruine d'un peuple. En 2 mois et demi, plus de 100 000 morts sortirent par une seule porte. Un brandon est lancé contre le temple. L'incendie, le massacre et le pillage passèrent sur la ville, et Titus entra par la brèche dans Jérusalem, qui déjà n'était plus qu'un amas de ruines. Chaque soldat de la 10e légion reçut, comme récompense et comme souvenir, une médaille qui représentait une femme pleurant sous un palmier. C'était l'image de la Judée captive. On passa la charrue sur les ruines. Titus ne fit respecter que 3 tours comme témoignage de l'antique puissance que venait d'abattre la valeur romaine. Il fit aussi conserver les portes du mur d'enceinte qui couvrait la ville à l'occident pour qu'elle pût servir de défense à sa garnison. Il emporta le trésor du temple, les rideaux de pourpre du sanctuaire, les vases sacrés, la table de cèdre revêtue de lames d'or et le chandelier à sept branches, sculpté aujourd'hui sur l'arc de triomphe qui éternise sa victoire. Les Juifs furent dispersés à travers les nations. La Jérusalem que nous verrons sortir de ses ruines ne sera plus la ville des Juifs. Ce sera la ville du monde chrétien, et les Juifs y seront plus étrangers que nous-mêmes. Depuis ce moment, la véritable histoire de Jérusalem fut l'histoire du Saint-Sépulcre. Nous l'avons écrite ailleurs. Quand on entre à Jérusalem par la porte de Jaffa, on se trouve tout d'abord dans la ville du roi David et l'on gravit le mont Sion. Nous avons la citadelle à droite, El-Kala. C'est une tour carrée assez forte, entourée de fossés et protégée par de hautes murailles. Cette tour s'appelait autrefois la tour de David. Le Moyen-Âge la nomma tour des Pisans. Elle s'élève au lieu même où Hérode avait bâti la tour Hippicus. Il paraît que l'emplacement était bon. Les habiles prétendent reconnaître les traces de ces diverses architectures, tandis que de plus habiles encore affirment que c'est la tour même de David que nous voyons aujourd'hui. C'est sur le mont Sion que le roi avait bâti son palais. C'est là qu'il reçut l'arche d'alliance dans le tabernacle dressé pour elle. C'est là qu'il vit et aima celle qui fut l'épouse d'Uri et la mère de Salomon. C'est là qu'il écrivit dans les larmes ses psaumes encore murmurés par tant de bouches pénitentes. Salomon, à son tour, bâtit son palais de cèdre sur le mont Sion. Il y rendit le jugement qui porte encore son nom et y reçut, au milieu des splendeurs de sa cour, la jeune reine de Saba. C'était aussi sur le mont Sion qu'Hérode avait placé son palais, dont il ne reste plus le moindre vestige aujourd'hui. L'Église vénère comme des sanctuaires les diverses constructions situées à l'extrémité méridionale du mont Sion. Elle nous rappelle les plus grands souvenirs du monde chrétien. Ici, Jésus institua l'Eucharistie et lava les pieds de ses disciples. Là, il leur apparut le jour même de sa résurrection et 8 jours après, quand il fit voir et toucher ses plaies à l'apôtre incrédule. Là, enfin, quand les 50 jours après la Pâque furent accomplis, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descendit sur les apôtres qui se dispersèrent pour aller prêcher par toute la terre la bonne nouvelle de l'Évangile. Le cénacle est aujourd'hui converti en mosquée. On montre, adossé à cette mosquée même, la maison où la Sainte Vierge, après la mort de son fils, vécut ses dernières années dans le recueillement et la prière. On dit qu'elle y mourut. Je n'ose me prononcer, dans l'incertitude où me jettent des traditions également vénérables. Antioche réclame aussi pour elle les derniers jours de la Mère de Dieu. On dit encore à Jérusalem que les tombeaux de David et de Salomon étaient situés sur cette montagne. C'est du moins dans une des cavernes de Sion que le gouvernement fait déposer chaque année les présents que le sultan, suivant l'ancien usage, envoie de Constantinople au tombeau du roi prophète. Dans la partie orientale de la ville, de l'autre côté de la vallée de Josaphat, s'élève une autre montagne non moins fameuse, le mont Moria, dont le nom hébreu signifie « domination du Seigneur ». Cette montagne fut l'autel d'un sacrifice à jamais célèbre. Pendant qu'Abraham était à Beer-Zabée, Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac. Va dans la terre de Moria et offre-le en sacrifice sur une des montagnes que je te dirai. » C'est sur le mont Moria que se trouvait l'aire où les fils d'Aaron le Jébuséen battaient le blé quand le prophète Gad ordonna à David d'y bâtir un autel et d'offrir des hosties pacifiques à Jéhovah dont l'ange exterminateur dévora Israël. Plus tard, à cette même place, s'éleva le temple de Salomon, où s'élève aujourd'hui la mosquée des Califes, une des merveilles de la Jérusalem moderne. Ainsi s'achève David et Salomon par Louis Hainaut.